Christ, Ndikomanyanga. Nous sommes mercredi 29 juin 2022. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée. Donc voici d'abord les principales articulations. Les journalistes sont appelés à bien faire la couverture médiatique des activités du recensement général de la population. Habitat, agriculture et élevage est prévu pour cette année. Cet appel est de Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Istibou, ce mercredi au cours d'une réunion avec les responsables des médias. La vente de la viande et de la vache s'observe toujours au chef-lieu de la province Karoussi. Certains habitants de la place s'inquiètent au moment où l'abattage des ruminants a été provisoirement suspendu suite à la fièvre de la vallée du Rift. Et dans la commune de Gitega, les recettes communales ont sensiblement diminué de 10% suite à la fièvre de la vallée du Rift qui menace les vaches, les moutons et les chèvres, vous l'entendrez. Et la chronique haine de mercredi axé sur la création du bouc émissaire. La mise en onde est assurée par Alphonse Koukiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les journalistes sont appelés à bien faire la couverture médiatique des activités du recensement général de la population. Habitat, agriculture et élevage est prévu pour cette année 2022. Lors d'une réunion avec le responsable des médias ce mercredi, Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Istibou, signale qu'il souhaite que les journalistes suivent toutes les activités de ce recensement et fournir des informations nécessaires à la population. Suivez Nicolas Ndayishimiye. La présente rencontre vise à échanger avec les responsables des médias pour qu'ensemble nous ayons la même compréhension du processus du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage de 2022 afin d'avoir des eaux totales de la population résidente au Burundi. La couverture médiatique de cette opération nécessite donc des compétences dans le domaine de la communication et des connaissances sur le recensement ainsi que la loi statistique sur la confidentialité et le secret statistique. C'est pour cette raison que le Bureau central du recensement organisera prochainement un atelier de renforcement des capacités des journalistes que vous allez désigner comme point focal pour cette activité. C'était là Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'Istibou, dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayonga. L'univers médiatique burundais compte actuellement 236 organes de presse, dont les radios, les télévisions, les journaux et agences de presse. Précision de Vestine Nahimana, président du Conseil national de la communication, lors de l'ouverture des travaux de l'Assemblée ordinaire des membres. Elle indique et signale également que 60 dossiers de demande d'autorisation sont en cours de traitement et demandent aux investisseurs dans le secteur médiatique de mettre en avant leur professionnalisme. On l'écoute. À l'heure où nous sommes, nous comptons déjà 56 radios, 19 télévisions, 126 journaux et 35 agences de presse, soit un total de 236 organes de presse, toutes catégories confondues. À cela s'ajoutent les associations des professionnels et les organisations partenaires des médias qui se comptent à 7. L'effet des radios communautaires s'est accru de façon très spectaculaire. Elles sont pour le moment en nombre de 23 éparpillées dans tout le pays. La place et le rôle de la radio pour les auditeurs n'ont pas besoin d'être démontrés. Au cours de cette année écoulée, en date du 13 février 2022, le Burundi s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la radio sous le thème « La radio et la confiance ». Il a été constaté que les auditeurs ont confiance à la radio car ils croient en les informations qu'elle diffuse. Malgré cet effectif des médias, on continue à recevoir des demandes d'autorisation d'exploitation et l'on compte exactement pour le moment une bonne soixantaine de dossiers en cours de traitement et qui attendent de réponse. Nous encourageons les investisseurs dans le secteur des médias et nous exhortons leurs responsables à mettre en avant le professionnalisme matérialisé, bien entendu, par le respect de la loi, mais également sur l'offre des programmes de qualité, cadre exactement avec les besoins des consommateurs des produits médiatiques. Cela sous-entend évidemment que la prise en compte des préoccupations de la population constitue un point vers lequel doivent converger tous les médias. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, certains des habitants du chef-lieu de la province Karoussi s'inquiètent de la vente de la viande de la vache qui se remarque ces jours-ci aux différents quartiers, alors que l'abattage des ruminants a été provisoirement suspendu suite au cas de la fièvre de la vallée du Rift manifestée dans la province. Certains signalent même des personnes vendant la vache, la viande en cachette. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage parle de vaches qui sont venues de l'Ouganda et en transit à Karoussi, dont certaines ont été trouvées malades. L'état avec Blaise Pascal Karalumi. Certains de ces habitants du chef-lieu de la province Karoussi indiquent que c'est dans ces 5 jours passés qu'ils observent la vente de la viande serrée des vaches malades. Ils signalent aussi des vendeurs dans la clandestinité qui mettent la viande dans leur sacoche pour les acheminer à ce qu'ils se sont convenus le prix. L'inquiétude de cette population, comme l'indiquent certains d'entre eux, est fondée sur le fait que dans cette province, il s'est déjà remarqué des vaches et chèvres malades et certaines même succombées de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Les sources du Bureau provincial d'agriculture, élevage et environnement indiquent que 58 vaches sont tombées malades de cette maladie et 22 d'entre elles sont mortes avec une dizaine de chèvres. Le directeur provincial d'agriculture, élevage et environnement de Karoussi tranquillise que la viande récemment vendue n'est pas des vaches malades de cette pandémie de la fièvre déliminant de la vallée du Rift, mais que ces vaches avaient la maladie appelée télériose. Umufuwe en Kirundi. Jean Severus Nzobatoana explique qu'il s'agit des vaches de type frison qui venaient de l'Ouganda et parmi ces vaches, on a trouvé des vaches qui souffraient de cette maladie de télériose et que le propriétaire avait demandé que ces vaches soient abattues afin qu'ils puissent vendre la viande. Il indique que ces vaches en transit au chef-lieu de la province Karoussi seront d'ici peu distribuées dans la province de Bujumbura. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. De Karoussi, rendons-nous à Gitega où la commune Gitega subit une perte de 10% de recettes communales suite à la fièvre de la vallée du Rift qui menace les bovins. L'administrateur communal de Gitega fournit ces données, évoque le bien-être de la population pour avoir stoppé l'abattage de ces bêtes. Certains habitants de cette commune qui grillaient de la viande déplorent les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. C'est un reportage signé Moïse Misago. L'interdiction de la vente et de l'abattage du bétail comme les vaches, les chèvres et moutons dans la province de Gitega a poussé ceux qui vivaient de ce métier à suspendre leurs activités. Parmi ces derniers, certains grillent la viande du porc, même s'ils évoquent le manque des clients. Les taxes deviennent difficiles à percevoir, reconnaissent-ils. Ce n'est pas facile, car ici, la viande du porc n'est pas appréciable. Je ne paie plus des taxes ici parce que les chèvres ne sont plus vendues. Les taxes pour les porcs sont perçues à l'abattoir. Ça ne va pas du tout. Pour ces porcs, nous avons peu de clients parce qu'ils ne sont pas aimés. Nous demandons le retour des vaches et chèvres. Auparavant, je rentrais avec 100 000. Actuellement, je ne rentre qu'avec 20 ou 30 000 francs burundais. Avant, je gagnais 200 000 ou plus par jour, 180 000 au minimum. Et actuellement, depuis l'apparition de la fièvre du Rift Valley, je gagne 70 000, 50 000 au maximum, 80 000 francs alors que la location est chère. Au sein de l'administration communale, l'on ressent l'impact de l'interdiction de la vente et de l'abattage du bétail dans la collecte des taxes communales. Liliane Iramhaye, comptable communal de Gitega, précise que la perte enregistrée est de plus de 3 millions par semaine. On a un marché très important de vente des animaux, le marché de Rutegama. Le marché se tient une fois par semaine, surtout les lundis. Chaque lundi, donc, on arrivait à récolter à peu près 3 millions de recettes. Et donc, vous voyez que s'il y a par semaine une perte d'un montant pareil, ça a un impact très significatif sur les recettes de la communauté. En plus aussi, il y a une taxe sur l'abattage. La taxe est de 5 000 francs par tête de bétail. De son côté, Jacques Nduimana, administrateur communal de Gitega, trouve que la perte est subie aussi autour de 10% par mois. Selon lui, c'est le bien-être de la population qui a été mis en avant. Les conséquences ne manquent pas au niveau des recettes communales parce que notre commune dispose des marchés du bétail. Je dirais que la perte mensuelle est estimée à 10% des taxes qui étaient collectées, mais nous privilégions l'intérêt de la population. Jusqu'au début du mois de mai dernier, près de 500 vaches étaient déjà atteintes par la fièvre dans la vallée du Rift. Parmi ces têtes de bétail, 114 sont déjà mortes selon le Conseil des ministres tenu le premier courant. Le plan d'action pour contrôler la maladie a été élaboré et le budget pour sa mise en œuvre est estimé à près de 8 700 millions de dollars dont les activités seront étendues sur une période de 12 mois. Merci à Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. Moïse Misago plutôt pour tous ces détails. Les citadins de Bujumbura trouvent que le gaz de cuisine intervient dans la protection de l'environnement. Nonobstant, certains disent avoir peur des incidents dans leur ménage. De l'autre côté, ceux qui utilisent ce gaz estiment que les rumeurs autour de cette énergie alternative constituent un défi. Suivez-les dans ces propos recueillis par Romain Douache. Cette façon d'utiliser les braises et les charbons de bois affecte vraiment les arbres, ce qui pourrait causer la désertification. Donc, utiliser le gaz comme alternative à la cuisson serait bénéfique. C'est vrai que l'utilisation du gaz peut conduire à des accidents si le gaz est mal utilisé, mais ce sont des accidents. On ne pourrait pas avoir peur des accidents. Je pense que ce qui importe, c'est que les personnes qui vont utiliser cette nouvelle façon de cuisson puissent être au courant des risques et prendre des précautions dans l'utilisation de ce gaz. J'ai trouvé que le gaz est plus avantageux que le charbon. Premièrement, ça protège l'environnement. Et deuxièmement, là où tu fais ta cuisine, il y a la propriété, chose qui est différente à ceux qui utilisent le charbon. Des fois, des personnes qui doutent que le goût des aliments qu'on cuisine sur le gaz n'est pas le même que les aliments cuisinés au charbon. Je voulais vous dire que le goût reste le même. Pour les personnes qui ont la peur d'utiliser le gaz, disant que ça peut exploser, moi, je leur dirais que ça fait une expérience de 4 ans que j'utilise le gaz. Ce qui est bon comme protection, c'est mieux de protéger là où tu mets ton gaz et de construire une petite qui peut barrer pour que les enfants ou autres personnes qui peuvent passer à côté du gaz, qui ne peuvent pas ouvrir. Les prix du gaz ne sont pas du tout abordables pour le citoyen lambda. C'est trop cher par rapport au niveau de vie de la population burundaise. Par exemple, moi, je peux aller chez le charbonnier et acheter du charbon de 500 francs, faire la cuisine avec. Mais je ne pourrais pas aller acheter du gaz pour 500 francs et prétendre faire la cuisine. Donc, c'est trop cher si on prend l'argent qu'on utilise pour acheter le charbon de tout en moins et qu'on le compare avec le prix du gaz de tout en moins. Pour que tout le monde soit prêt et capable d'utiliser le gaz, je pense que le gouvernement devrait d'abord mettre une politique d'augmentation des salaires pour les fonctionnaires. Deuxième proposition, c'est qu'il devrait peut-être penser à réduire les prix du gaz. Et l'article 126 du projet de loi portant ratification du budget général et de l'État exercice 2022-2023 récemment adopté par le Parlement stipule qu'il est accordé une exonération des droits de taxe sur l'importation des échafaudages du bois brut, du gaz et de cuisine et ses récipients ainsi que des appareils de cuisson à combustible gazeux. Page Santé, à présent, des objectifs de 95% n'ont pas été atteints lors de la dernière campagne de vaccination contre la rougeole dans le district sanitaire de Bucaramanga, faisant ainsi chuter la moyenne provinciale. Docteur Jean-Claude Ndikoumasabo, médecin directeur de la province sanitaire de Rumonge, qui donne ces chiffres, demande aux partenaires de la santé de s'activer à chacun en ce qui le concerne pour la réussite de la prochaine semaine sans temer enfant, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? La province sanitaire de Rumonge n'a pas atteint les objectifs dans la vaccination contre la rougeole lors de la semaine santé mère enfant écoulée au Burundi. Docteur Jean-Claude Ndikoumasabo, médecin directeur du bureau provincial de santé de Rumonge, explique que cela a été dû aux objectifs non atteints dans le district sanitaire de Bugarama. Au niveau du district sanitaire de Rumonge, nous avons atteint des objectifs et nous avons pu vacciner les enfants au-delà de 95%. Et puis, le district sanitaire de Bugarama n'a pas pu atteindre des objectifs, ce qui a fait que toute la province chute en dessous des objectifs qui étaient fixés au niveau national de 95%. Nous avons pu atteindre 91%. Cette situation pousse ce responsable sanitaire à demander à tout partenaire de la santé dans la mise en œuvre de ses activités de s'investir pour la réussite de la prochaine semaine santé mère-enfant prévue du 4 au 6 juillet 2022. Surtout, les gestionnaires des lieux de grands rassemblements comme les églises et mosquées. Demandez également aux confessions religieuses de nous aider dans la diffusion des messages. Vu que la plupart de la population fréquente les lieux de culte, que ce soit les musulmans, que ce soit les religions chrétiennes. Les responsables sanitaires, administratifs et religieux et les journalistes s'étaient rencontrés ce mardi à Rumonge pour analyser ensemble les stratégies à adopter pour la réussite de la prochaine semaine santé mère-enfant. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Le bouc émissaire, c'est le moyen de se dédouaner de sa faute en accusant les autres. Jean-Paul Nizigimana, chercheur en justice transitionnelle, indique que dans certaines circonstances, la création du bouc émissaire peut provoquer les violences. Par exemple, lorsqu'il est utilisé lors de la commémoration des périodes douloureuses du passé. Selon lui, la population devrait être prudente avant de prendre des décisions. Le détail avec Cornel Amoucho. La création du bouc émissaire, c'est le moyen qui consiste à endosser une responsabilité ou une faute à une personne ou à une communauté pour se dédouaner de sa faute. Jean-Paul Nizigimana, chercheur en justice transitionnelle, indique que l'inventeur veut convaincre à ses adhérents ou partisans les méfaits du bouc émissaire. Au début de la création, Adam dira que c'est la femme que Dieu lui a donnée qui est responsable de son péché. Et Ève, à son tour, dira que c'est le serpent que Dieu a créé, en fait, pour finir par dire que, finalement, c'est Dieu lui-même qui a la faute. C'est un phénomène qui est dans notre quotidien. L'objectif est canaliser l'agressivité de la partie en colère envers le bouc émissaire. C'est-à-dire, il faut que le créateur arrive à convaincre ses adhérents au méfait, en fait, du bouc émissaire. Deuxièmement, son objectif est de rassembler les soi-disant victimes du bouc émissaire contre le bouc émissaire qui est souvent, en fait, qui n'a rien à voir, en fait, avec ses problèmes. Il avertit que dans certaines circonstances, les discours de création des boucs émissaires dans un pays post-conflit risquent de conduire les membres de la communauté aux violences. C'est donc pendant les moments de crise. Alors, peut-être les crises économiques, politiques ou identitaires. Il faut aussi constater amèrement que c'est aussi pendant les moments de course vers le pouvoir, pendant les élections ou dans la plupart des sociétés en voie de développement, pour ne pas dire les sociétés pauvres, la tendance est en fait de montrer que celui qui est au pouvoir est la source de tous les maux, ou alors que l'opposant en est un. Cela est arrivé dans plusieurs pays africains et au Burundi aussi. Troisièmement et dernièrement, cela peut arriver aussi pendant les moments de commémoration des périodes douloureuses que la communauté, le pays ou la famille a traversé. Selon Jean-Paul Nezigimana, il est possible de déconstruire des réalités sociales liées au discours de création du bouc émissaire. Le moyen le plus sûr et durable est l'éducation. Là, je parle en fait de l'éducation formelle et informelle. C'est-à-dire que pour l'éducation informelle, cela doit commencer en famille, cousi et co, comme à l'époque. Par éducation formelle, je veux dire tous les moyens d'éducation et école. Là, je veux dire qu'il faut multiplier le nombre de personnes instruites capables de comprendre le langage du créateur du bouc émissaire. Pour le cas du Burundi, alors, pour revenir, il faut parler du passé de manière constructive. Sa suggestion est de multiplier le nombre de personnes instruites capables de comprendre le langage du créateur du bouc émissaire. Voilà, 13h16 au studio de la Radio Sanganiro. C'est la fin de cette actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kogimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Évariste Ndikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.